Pour m'achever, il arriva du Val d'Aoste un jeune organiste appelé l'abbé Palais, bon musicien, bon homme, et qui accompagnait très bien du clavecin. Je fais connaissance avec lui. Nous voilà inséparables. Il était élève d'un moine italien, grand organiste. Il me parlait de ses principes. Je les comparais avec ceux de mon rameau. Je remplissais ma tête d'accompagnement, d'accord, d'harmonie. Il fallait se former l'oreille à tout cela. Je proposais à maman un petit concert tous les mois. Elle y consentit. Me voilà si plein de ce concert que ni jour ni nuit, je ne m'occupais d'autre chose. Et réellement, cela m'occupait, et beaucoup, pour assembler la musique, les concertants, les instruments, tirer les parties, etc. Maman chantait. Le père Caton, dont j'ai parlé, et dont j'ai à parler encore, chantait aussi. Un maître à danser, appelé Roche, et son fils jouaient du violon. Canavas, musicien piémontais, qui travaillait au cadastre, et qui depuis s'est marié à Paris, jouait du violoncelle. L'abbé Palais, accompagné du clavecin. J'avais l'honneur de conduire la musique, sans oublier le bâton du bûcheron. On peut juger combien tout cela a été beau. Pas tout à fait comme chez M. de Trétorens, mais il ne s'en fallait guère.